Je ne suis loin de rien, je règne sur le vent. Sur des chemins perdus, sur des sables mouvants. Sur l'ancien château fort et sur les cathédrales. En beauté, je suis roi d'un soleil qui se meurt comme il peut. J'ai l'air d'un nouveau volcan refroidi. Ma couronne est en bois. C'est scandaleux, bien sûr, c'est de mauvaise.